Bonjour. Selon une étude publiée hier, tous les individus ne sont pas égaux sur le marché du logement. En cause, les origines. Les noms à consonance albanaise, érythréenne ou tamoule ne seraient ainsi pas avantagés. L'Institut pour construire des ponts entre différents groupes présents dans toute la Suisse organise justement des formations pour combattre les préjugés, prévenir la violence et la résolution des conflits. Cet institut est également le secrétariat de la Voix des migrants, élu pour toutes et tous qui souhaitent faire entendre la voix des migrants dans les débats politiques. Et c'est à ce dernier que l'on doit l'étude réalisée sur la discrimination sur le marché des appartements. On écoute Ron Albright, co-président de l'Institut pour construire des ponts entre différents groupes. En Allemagne, les immigrants sont représentés dans les institutions publiques. Mais en Suisse, nous avons seulement quelques exceptions de personnes qui ont pu être élues. Nous pensons que si les femmes rencontrent des difficultés, alors les femmes défendent leurs droits. Il en est de même pour les agriculteurs. Alors, il devrait en être de même pour les immigrés. Nous voulons avoir une voix dans le débat public. Ron Albright, comment avez-vous fait pour réaliser cette étude au sujet de la discrimination sur le marché de la location d'appartements ? Nous avons examiné sur le marché de la location d'appartements comment les personnes d'origine étrangère ou à nom à consonance étrangère étaient traitées lors de la visite d'un appartement. Nous avons adressé des emails avec différents noms, des noms suisses alémaniques, albanais, tamils, ou des noms érythréens, serbes, croates ou arabes. Il en a résulté que les noms à consonance étrangère sont discriminés de 5 à 20%. Les groupes les plus discriminés sont les Albanais, les Tamils, les Érythréens et les Arabes. Les personnes à nom suisse ont été invitées à effectuer une visite, les autres, non. Pourquoi certains propriétaires, certaines agences ne veulent pas que des étrangers visitent leurs appartements ? Je suppose que c'est une question de préjugés. Les gens se représentent d'avance un comportement de certains individus en fonction de leurs origines. Nous avons aussi rencontré des personnes qui ont recommandé d'autres personnes pour un appartement et les propriétaires ont dit que ces personnes cuisinaient épicé et qu'ils n'étaient pas désirés dans cet appartement. Ou alors, ces personnes ont une couleur de peau ou portent un voile. Ça, c'est de la discrimination. Est-ce que des études du même genre ont déjà été réalisées dans d'autres pays ? Il y a déjà eu des études de ce genre en Allemagne ou encore aux États-Unis, mais c'est la première réalisée en Suisse. En Suisse, il n'y a pas de loi contre la discrimination sur le marché de la location d'appartements. Si un propriétaire dit ne pas souhaiter une personne voilée dans son appartement, c'est tout à fait légal. Même si l'article 8 de la Constitution protège les personnes contre la discrimination, cet article ne concerne pas le marché de la location d'appartements. C'est pourquoi il n'y a pas plus d'études à ce sujet aujourd'hui. Nous appelons à réaliser plus d'études et à une protection des personnes discriminées sur le marché de la location d'appartements. Cela existe en Allemagne, aux États-Unis et dans d'autres pays industrialisés. This is the law in many industrialized countries. Et s'il y avait une loi, est-ce que vous pensez que ça changerait profondément les choses? A law does not change everything overnight. Une loi ne change pas tout du jour au lendemain. Il y a des lois contre la discrimination des femmes sur le marché du travail en Suisse. Il y a toujours la discrimination. Mais les choses s'améliorent. Les femmes savent qu'elles ont des droits et les employeurs des devoirs, sans quoi ils pourraient avoir des problèmes. C'est pareil en matière de marché du logement dans les autres pays. Les gens savent qu'ils ont des droits et peuvent les faire valoir en cas de besoin. Il y a évidemment toujours de la discrimination dans ce pays, mais les gérances peuvent être attaquées en justice. Le propriétaire en est averti et cela suffit généralement. Voilà, vous venez d'entendre Ron Albright, co-président de l'Institut pour construire des ponts entre différents groupes, à l'occasion de la sortie de l'étude sur la discrimination sur le marché de la location d'appartements.